Nathan Borrow up on the street. Sat and seen it all go down corrupty. I've met so many people, half of them were off their heeds, half of them were drunk, he creeps, the other half are often weak. And so there's alcoholics all about that drink it often. Meet so many drunkies and you know they want to snatch your wallet. Then the Gambians that preach and sit and act like prophets, selling all the damp weed to kids and never plan to stop it. We got the gangs of young kids that'll always strut about and roam the streets happily disturbing when they fucking shout. Dodgy busies with even dodgier missies, and people we connect to a lot are all the gypsies. 30 middens that live their lives getting ridden, Polish warriors that stand proud, they're never hidden. Homeless cunts that never seem to get a dinner, and last but not least, the Edinburgh Raven Spitters. Entraînés précoces par tout braquage pour une misère. Des grands frères qui s'en servent pour bouc émissaire. Le mal plane dans l'hémisphère. Le drame comme supplice air. Ça pense au haram, voiture bélier, jet de lance-pierre. Ça idolâtre les armes et oublie la prière. Ce qui se fait ne date pas d'hier. Et chaque été se réitère les mêmes faits divers. Les dealers portent et tontonnent comme si toute l'année c'était l'hiver. Des parents qui délaissent leur manteau ne peuvent plus rien y faire. Ça parle d'argent des rois, ça voyait en l'air. Je commence à m'en faire. Si c'est ça le paradis, je préfère mieux goûter à l'enfer. Les détenus s'applaudissent pour un morceau de shit qu'ils arrivent à avoir. Pendant que leurs parents pleurent, des larmes de sang au parloir. Allez tous vous faire mettre. Mais qu'est-ce qui se passe là où il y avait pas de porte ouverte? J'ai pas pu péter la fenêtre, frérot. We keep on fighting up on the street. You know nothing, but there we try to find a way without your help. On pèse vos stars, on fume des grosses barres. En skisant, faut qu'on se barre. Dans l'illicite, ça pose tard. On n'a pas des gueules à costard. On accoste les pétasses au fond de l'impasse. Ça désorce les T-Max, les gosses se mettent kénas. On pénalise le système, on dévalise la lime. Direction les abîmes pour étaler nos fichiennes. Figées, pour la plupart fichues. Fait chier, pas d'issue pour les frères perdus et ceux qui restent quillés. On frie. On veut pas la quigne à Max Payne, mais le luxe à volonté comme Johnny dans les backstage. On partage la weed, la cheese, on grave nos cheese. Qu'on grave plus sur des murs, mais sur des culs de monde à cri. On est à la salle de salle, on s'en bat les couilles, c'est le sale sud, Marseille City. C'est le caviar, on est des clébards, braqueurs sous le cagnard. Pour finir en cavale, mort ou bagnard, c'est la survie, bâtard. We keep on